soleil, allons belle endormie, allons mamie, sonnons le réveil. Du cocantan, le cocorico, les vieux chevreaux sont dans le dodo, c'est le vrai moment pour un amant. Allons mamie, sonnons le réveil. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Accourez vite, dit la belle, venez sonner le bout de sel. On prête montrer votre zèle, sonnez, sonnez à plein poumon. Toujours et toujours, et reprenez.